Il y a un truc qui est bien, c'est là, avec ton live. Sinon, si tu as la Thank you.